Raconte-moi une image, Nicolas Biver, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes astronome amateur. Votre particularité, c'est de dessiner ce que vous voyez à l'oculaire, ce que vous voyez à l'oculaire de votre télescope. Alors, pour bien comprendre ce que vous faites et comment vous le faites, nous prenons un cas concret, un dessin que vous avez réalisé. Vous l'avez choisi. Et ce dessin, qu'est-ce que c'est ? Alors, ce dessin, en fait, c'est une série de quatre dessins donc, qui datent un petit peu. Donc, il y a un peu plus de 10 ans, c'était en novembre 1997, plus exactement le 11 novembre, où j'ai assisté donc, au passage de trois ombres simultanées de satellites devant Jupiter. Alors, c'est un phénomène très rare, puisque ça se passe même pas une fois par an, et encore, il faut être du bon côté de la planète pour le voir. Alors, voilà. Des ombres qui passent devant Jupiter, un satellite, c'est fréquent, mais trois, c'est exceptionnel, c'est ça ? Trois, c'est exceptionnel. De toute manière, on ne peut jamais en avoir plus de trois pour des questions de mécanique céleste. Alors, il faut vraiment. Quand il y en a trois, il y a forcément Callisto, plus deux autres. Alors, en fait, il n'était même pas visible de France, mais j'avais la chance d'être pratiquement aux antipodes à Hawaï, où j'étais pour trois années en postdoc. Et je n'aurais voulu manquer sous aucun prétexte cet événement, quoi. Donc c'est quatre dessins. Donc le premier dessin qui était fait à la tombée de la nuit dans des conditions de turbulence moyenne montre déjà les trois ombres des satellites Io, Ganymède et Callisto qui se superposent à une des bandes, les bandes équatoriales sud exactement de Jupiter. Et Io qui commençait à apparaître un petit peu en plus brillant sur, près du bord de Jupiter. Et le phénomène était assez rapide parce que les ombres se rapprochaient. Donc sur le deuxième dessin, on voit l'ombre de Io qui vient toucher quasiment celle de Ganymède, tandis que Io lui-même est pratiquement au bord de Jupiter. Et ces deux ombres d'ailleurs sont en train de rattraper celle de Callisto qui tourne beaucoup moins vite, donc son ombre aussi tourne moins vite sur Jupiter. Le troisième dessin qui est vraiment fait dans la foulée, parce que là ça c'est à quelques minutes près, c'est celui où Io est juste au bord de Jupiter, donc il commence à apparaître sur le fond du ciel, et en même temps son ombre est mordue par celle de Ganymède parce qu'en fait il y avait un phénomène mutuel en même temps, c'est-à-dire qu'il y avait l'ombre de Ganymède qui se projetait en partie sur Io juste au moment où il sortait, et c'est pour ça qu'on voit les deux ombres qui se rapprochent. Et le dernier dessin qui est fait quand Jupiter commence à être un peu plus basse, et puis entre deux nuages aussi les conditions de turbulence étaient un peu moins bonnes, donc où là c'est les deux ombres sont déjà bien détachées, celle de Io et Ganymède, et celle de Ganymède est juste en dessous de cette Callisto qui l'a rattrapée. Et après ça, je crois que les conditions, à me souvenir, les nuages étaient de plus en plus nombreux et puis Jupiter commençait à se coucher, donc je n'ai pas pu beaucoup plus observer. Mais... Alors, comment vous vous êtes pris ? Quel instrument vous aviez ? Comment vous vous êtes préparé ce jour-là ? Alors, l'instrument, c'est le télescope que j'utilise toujours, donc que j'avais fait expédier par avion là-bas pour les trois années que j'ai passées là-bas, donc mon télescope de Newton de 25 cm construction maison. Je me rappelle, ça faisait que quelques mois que j'étais là-bas, donc j'avais pas encore exploré tous les sites d'observation. Donc là, en fait, j'étais à Honolulu même, la cité, j'étais pas à l'observatoire. Et là, j'ai carrément observé depuis mon balcon le petit appartement que j'avais sur les hauteurs d'Honolulu. Et malheureusement, c'était pas un très bon choix pour la stabilité des images. Parce que, pour savoir que, bon, dans ces îles-là qui sont à des latitudes, je dirais. Tropical, le vent a une dominante qui vient d'est, et quand on est du mauvais côté de la montagne, on a toujours des images très agitées. Alors le souvenir que j'ai, c'est que bien que le ciel était à peu près dégagé, les images étaient assez turbulentes, mais bon, ça n'a pas empêché d'observer le phénomène et de dessiner tout ce que je pouvais dessiner, quoi. Alors justement, comment ça s'est passé ? Alors c'était une soirée en rentrant du travail, ça tombait bien, c'était à tomber de la nuit, donc bon, en plus qu'on était sous les tropiques, donc là au mois de novembre il fait une température tout à fait agréable. Donc la turbulence n'était pas la turbulence instrumentale, mais la turbulence, je dirais, locale, quoi. Et donc j'avais le télescope sur le balcon, donc j'avais préparé, comme je prépare souvent, dans des gabarits pour dessiner la planète Jupiter. Et là, le problème, si vous voulez, c'est que le phénomène n'est pas très long, hein. Donc là, j'ai des dessins qui s'étalent sur une heure, et on a aussi des conditions parce que la planète a passé à commencer à être trop basse. Et donc j'ai fait 4 dessins en une heure de Jupiter, ce qui est pas du tout l'habitude. D'habitude je prends une heure pour faire un dessin, pour mettre tous les détails. Donc c'est des dessins qui sont pas tellement détaillés, mais bon, ce qui m'intéressait, c'est de noter ces trois ombres, et puis notamment l'ombre de Io qui rattrapait celle de Ganymède, qui passait même pratiquement sur l'ombre de Ganymède et qui la doublait. Les deux ombres se confondaient en fait. Elles se confondaient. D'ailleurs, je me rappelle en 1997, d'ailleurs c'est comme l'année prochaine, on en était, puisqu'on sera 12 ans après. C'est une période où il y avait des phénomènes mutuels, donc il devait même y avoir un phénomène mutuel en même temps, c'est-à-dire que Io était en partie éclipsé par Ganymède, puisque les deux ombres se touchaient, c'est-à-dire qu'en fait l'ombre de Ganymède passait en partie sur Io en même temps. Alors sur Jupiter, les mouvements de satellites sont assez rapides, en quelques minutes ça change, donc il faut se dépêcher, c'est ça, pour dessiner ce genre de phénomène ? Si on s'attache uniquement aux ombres, bon, c'est vite fait. Le problème, c'est que Jupiter fourmille de détails quand les images sont relativement stables. Là, un des avantages, à la limite, c'était assez turbulent, donc j'avais pas besoin de dessiner tous les détails de la bande nord, notamment qui montre tous ses festons habituellement. Mais bon, j'en ai quand même dû en dessiner certains. Justement, ça permet de localiser les positions des ombres et tout ça par rapport à Jupiter. Et c'est difficile là, parce que je vois que je mets un dessin, j'ai mis 10 minutes pour faire un dessin, 5 minutes après, je commençais le suivant. C'était un peu la course contre la montre, quoi. Alors typiquement, comment fait-on au point de vue pour gérer le temps? C'est-à-dire là, il y avait un événement spécial, ça devait être assez rapide, mais si vous observez la planète sans événement spécial, on va dire que vous décidez de faire ce soir-là un dessin de la planète, comment vous vous y prenez, quel est le temps que vous passez à l'oculaire, comment vous dessinez, est-ce que vous finissez après, comment ça se passe? Oui, alors il y a toujours deux phases déjà dans les dessins, n'importe quel dessin, que ce soit un dessin de galaxie, de nébuleuse, de planète ou de la Lune. Il y a la phase observation à l'oculaire où on essaie de recueillir un maximum de détails en mettant des notes éventuellement sur le côté en très léger qu'on pourra gommer après. Et après ça, la mise au propre, une situation plus confortable avec un bon éclairage. Et puis souvent, surtout disons, en France, on a des conditions d'humidité qui ne permettent pas de faire un dessin bien propre à l'oculaire. Alors ça, c'est pour le manière générale. Après ça, sur le terrain, la raison pour laquelle je vais faire un dessin, bon, souvent, je prévois justement sur Jupiter, ce qui est intéressant, c'est avoir la tache rouge, avoir un passage de satellite. Donc, il y a certaines périodes où je vais être plus intéressé pour prendre mon courage à deux mains pour me lever à 4 heures du matin pour faire un dessin de la planète. Et après ça, bon, bah, je sors, si la météo le permet déjà, je sors l'instrument. Éventuellement, je prépare le mètre en température un peu avant. Et bon, et je regarde ce que j'ai à l'oculaire et si les conditions permettent, je vais faire le dessin. Si c'est trop turbulent, ça m'est arrivé de sortir le télescope un quart d'heure à 4 heures du matin et puis bon, bah, j'ai jeté un peu un coup d'œil et puis je vois que les images sont trop turbulentes. Bah, je dis, bon, ça sert à rien de faire un dessin, j'arriverai pas à dessiner les détails qui m'intéressent. D'autres fois, j'ai pas tellement prévu de faire un dessin de Jupiter, j'observais une comète et puis ça m'est arrivé comme ça, j'étais parti en lointaine banlieue pour avoir un ciel plus sombre. Observer une comète et la Voie lactée, et puis je jette un coup d'œil sur Jupiter, là j'ai des souvenirs, puis il y a des images à couper au couteau, on voit les détails pratiquement sur les satellites, et je dis, bon, je peux pas partir sans faire un dessin de ce que je vois, ça m'est arrivé aussi, quoi. D'accord. Donc, dans la technique, on va dire, ce que vous dessinez pendant que vous êtes l'œil à l'oculaire, ça doit être finalement assez rapide, c'est ça, sur le terrain. Et puis après, vous parlez d'une mise au propre, mais il faut se souvenir entre-temps. Vous le faites quand? Dans la foulée, le lendemain, ou est-ce que vous prenez des notes pour vous souvenir? Justement, ce que je fais pendant l'observation, c'est les notes qui vont permettre de mettre le dessin au propre. Alors, ça dépend un peu des planètes. Jupiter, en fait, le dessin sorti d'oculaire est déjà assez bien mis au propre parce que j'utilise quand même plusieurs forces où j'écris un peu plus fortement les zones sombres pendant l'observation. Mais ceci dit, bon, une observation de Jupiter avec pas mal de détails, ça me prend souvent plus d'une heure quand même. Le temps de noter les détails. Alors, bon, Jupiter tourne très vite. Entre le début du dessin et la fin du dessin, Jupiter n'a pratiquement plus le même aspect. Mais en général, que ce soit un dessin de Jupiter ou de Mars, ce sont des planètes qui tournent où les détails varient en fonction du temps. Il y a trois phases. Il y a le début. Donc le début, on note par exemple, sur Jupiter la position des bandes, hein, ou les principales formations. Où, là, je commence d'ailleurs par dessiner souvent les calottes, même sur Mars, parce que c'est des zones qui, en apparence, tournent moins vite. Et après ça, il y a la mise en place. Donc là, je vais positionner par exemple la tache rouge, qui est un phénomène, quelque chose qui est bien... bien délimité sur la planète, je peux voir si elle est pile au centre, si elle est au tiers à gauche, etc. Et quelques formations aussi sur la bande équatoriale nord. Et après ça, je vais mettre les détails en les positionnant par rapport aux grosses formations. Et bon, c'est souvent des dessins de contours que je fais à l'oculaire. Mais que ce soit Mars, Jupiter, la Lune, bon, bah, ça prend quand même du temps à dessiner tous ces contours. Et donc ça, c'est les notes, je dirais, que je prends pendant l'observation, qui prennent quand même un certain temps. Et après ça, donc, je vais mettre ça au propre chez moi, où un dessin de la Lune, typiquement, je cote l'intensité. Alors, c'est une échelle personnelle. Maintenant, je vais de 0 à 6. Hein. 0, c'est ce qu'il y a de plus brillant. 6, c'est noir. Quoi. Et après ça, tout le temps que je passe pour le mettre au propre, c'est convertir ces cotes d'intensité en luminosité plus ou moins claire. Ah oui, c'est une sorte de numérisation manuelle, en quelque sorte. Oui, c'est un petit peu à l'inverse des images numériques. Je fais, on dirait les isophotes pendant l'observation, et après ça, je fais l'image. Je fais l'inverse, quoi. D'accord. Alors, vous parlez beaucoup de Jupiter. C'est peut-être la planète que vous avez le plus dessinée. C'est par choix ou par amour pour cette planète ou simplement par nécessité parce que c'est la plus visible le plus souvent? La plus dessinée, je crois que ça se voit avec Mars. Ce qu'il y a que Jupiter, c'est quand même la planète qui a le diamètre apparent le plus grand. Donc c'est évidemment celle sur laquelle on voit le plus de détails, quoi. C'est-à-dire, même dans une petite lunette de 60 mm, on commence à voir des détails. Donc on voit les bandes et tout ça. Donc aussi, bon bah contrairement à Mars, on peut l'observer tous les ans. Jupiter, Mars, c'est une fois sur deux. Et puis il y a des oppositions qui sont favorables et d'autres qui le sont moins. Donc, mais je crois que ça se vaut parce que Mars, c'est vraiment par campagne. Il y a des périodes, justement, on sait qu'elle va pas être là très longtemps, donc on veut profiter au maximum de son rapprochement maximum avec la Terre pour essayer d'en tirer le maximum. Et puis bon, y a autre chose aussi, Mars, c'est bon, il y a de temps en temps des tempêtes et des choses qui varient un petit peu, mais il y a aussi des formations qui sont toujours là. Tandis que Jupiter, c'est une planète gazeuse, donc ça change tout le temps. Il y a des périodes où il y a des bandes qui disparaissent et ces taches, ces ovales qui maintenant ont tous fusionné en un seul, mais à une époque il y en avait trois et on essayait de les chasser les uns après les autres, quoi. Ça change. Il se passe toujours quelque chose sur Jupiter. En fait. Voilà. Vos dessins, vous en faites quoi? Vous avez plusieurs classeurs, je crois. Est-ce que c'est quelque chose que vous comptez montrer à des gens, à des scientifiques, à d'autres amateurs? Est-ce qu'il y a une finalité? Bon, la finalité, je pense pas qu'il y ait une finalité scientifique, surtout sur les dessins de planètes maintenant. Malheureusement, je dirais maintenant les technologies, même pour les amateurs, des images avec les webcams ou les autres caméras, surpassent les détails qu'on a avec les dessins. Mais pour moi, ça reste quand même un souvenir. Je dirais, c'est une mémoire sur papier. Je dirais. Quand je ressors un dessin, je me rappelle de l'observation, si vous voulez. Donc c'est des souvenirs d'observation. Je sais pas si une image, une photo, une numérique rappelle autant de choses qu'un dessin. Et pour répondre un peu à la question tout à l'heure aussi, il y a un sens inverse. Quand je dois mettre un dessin au propre, surtout un dessin de Jupiter où il peut m'arriver d'en faire plusieurs dans le mois, j'essaie de mettre au propre le plus rapidement possible pour pas que les souvenirs s'effacent. Et surtout, je crois que ce que j'ai remarqué le plus important, c'est éviter de faire deux dessins sans avoir mis au propre le précédent, quoi. C'est-à-dire, si j'ai pas mis au propre un dessin et j'en fais un autre, et quand je vais vouloir mettre au propre celui d'avant, les souvenirs vont se mélanger. Ouais, d'accord. Donc c'est un peu une règle d'or. Pas forcément mettre au propre dans la foulée, ça peut être un jour, deux jours après. Dans la mesure où j'ai pas fait un autre dessin de Jupiter qui va complètement brouiller les souvenirs, ça va. D'accord, donc un dessin après l'autre finalement. Voilà. Sinon, ça se mélange. Exactement. Alors, vous êtes par ailleurs dans une position un peu particulière pour un astronome amateur, c'est que vous êtes aussi astronome professionnel à l'Observatoire de Meudon. Oui. La question, c'est est-ce que c'est votre métier qui vous a poussé à devenir amateur et à dessiner à l'oculaire ou est-ce que c'est l'inverse? Chronologiquement, je voudrais dire que c'est l'inverse. J'ai commencé à faire des dessins des planètes et observer il y a maintenant 25 ans, et ça fait longtemps. Moi, je n'ai eu mon poste de chercheur professionnel que depuis 6 ans. Et j'ai passé ma thèse il y a 11 ans. Mais professionnellement, je travaille sur les comètes. Donc, c'est ce qui m'a poussé quand même à observer beaucoup plus les comètes. Ceci dit, j'ai commencé... ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que les premières comètes que j'ai observées, moi, c'était la comète de Halley. Et par rapport à ce que je fais professionnellement, les techniques que j'utilise maintenant ont commencé sur la comète de Halley aussi. Et ce qui était amusant d'ailleurs quand j'ai commencé à faire un stage puis une thèse sur les comètes, c'est que finalement j'ai travaillé sur des comètes qui avaient été observées dans le passé par mes collègues, mais je les avais aussi moi-même observées avec mon télescope. D'accord. Alors, vous disiez tout à l'heure que le dessin, finalement, c'était pour vous une méthode pour garder un souvenir intact et peut-être plus en relief ou plus vivant qu'une photo. Cependant, pensez-vous que ce type de document peut, à terme, un jour, servir scientifiquement ou pas du tout? Disons que maintenant qu'il y a la concurrence des techniques qui sont... en principe plus objective et moins subjective qu'un dessin, ça peut être moins intéressant scientifique, mais bon, ce qui est intéressant, c'est que ça a replacé dans un contexte où c'était la méthode scientifique d'observation des objets il y a un siècle. Donc c'est une expérience qui est quand même intéressante à comparer aux seuls documents scientifiques qu'on a d'observation de planètes il y a plus d'un siècle, avant l'apparition de la photo même, et de voir que ce qu'on peut voir maintenant Visuellement, ça permet de dire si les dessins qui ont été faits au 19e siècle de planètes comme Jupiter ou Mars, ce qui est quelque chose de réaliste ou ce qu'on, qui est certainement subjectif de la part d'observateurs de l'époque. D'accord. Mais il y a quand même des événements, par exemple, je pense à ce triple passage d'ombre sur Jupiter, ou quand une comète arrive qui n'est pas prévue, tout le monde ne l'observe pas forcément en même temps, et il y a de la météo qui n'est pas forcément favorable à tout le monde. Est-ce qu'à ce moment-là, il ne peut pas y avoir un document, finalement, qui soit scientifique ? Quand vous parlez des comètes, oui, parce que les comètes sont un objet tellement variable que chaque observation peut être importante. Pour les planètes, bon, là j'ai pris un événement, donc le triple passage d'ombre devant Jupiter qui n'agirait surtout qu'un intérêt esthétique. Scientifiquement, ça n'apporte pas grand chose. Le petit intérêt scientifique qu'il y avait à ce moment-là, c'est qu'il y avait un phénomène mutuel d'ombre qui passait sur d'un satellite sur un autre. Mais bon, ça maintenant, en fait, ces phénomènes qui sont observables par les amateurs avec des moyens, bon, je dirais relativement modestes, mais maintenant, le mieux, c'est d'avoir comme un GPS pour faire des mesures très précises dans le temps, apportent encore un intérêt scientifique, mais pas tellement au niveau du dessin, quoi. Par contre, au niveau des comètes, il y a quand même des choses qui peuvent être utiles. D'accord. Est-ce que vous pensez que pour faire cette technique d'imagerie, on va dire, il faut être dessinateur, il faut être doué en dessin, style les beaux-arts, quoi ? Ou est-ce que c'est juste une technique à appliquer, à travailler sur le long terme ? Bah, moi, j'ai toujours eu de bonnes notes en dessin, je veux dire, à l'école. Il y a même des concours, mais bon, c'était du dessin technique. Bah, l'école, justement, que j'ai fait, c'est là où j'ai eu la meilleure note de tous les concours. Mais donc j'ai eu toujours bon peut-être un certain don puis aussi un intérêt, mais je pense que ce qui est important c'est la motivation aussi. Moi-même je vois que si je me force à faire un dessin, le résultat va pas être le même que si j'y vais de plein gré et je suis attiré. Et je pense que quelqu'un bon c'est bien d'essayer de tenter de parce que bon qui ne tente rien ne peut pas savoir ce qui vaut. Mais après ça, faut pas se forcer et puis bon bah, faut relativiser. Après ça, bon, mes dessins, je sais qu'ils sont appréciés pour aussi quelquefois par leur qualité esthétique, mais certains font des dessins qui ont moins de qualité esthétique, mais qui peuvent être utiles scientifiquement quand même. D'accord. Est-ce que vous connaissez parmi les astronomes amateurs que vous fréquentez d'autres personnes qui font des dessins comme vous ? Ah oui, on est un certain. Certains groupes, bon, il y a quand même une petite communauté. Il y a une communauté, oui. Bon, on communique pas toujours tous ensemble, mais bon, il y a quelques-uns que je commence à fréquenter sur AstroSurf ou sur d'autres forums ou lors des rencontres du ciel et l'espace. On va se retrouver encore. On essaye justement un peu de se fédérer aussi pour essayer de mettre un peu en valeur notre technique qui a l'avantage d'être abordable par n'importe qui. Est-ce que, finalement, dernière question, est-ce que vous fixez des défis en dessin ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de dessiner, que vous n'avez pas vues, et quel est le prochain défi, si c'est le cas ? Il y a toujours des défis, mais bon, derrière le dessin, c'est une observation. Donc le défi, c'est l'observation, et le dessin, c'est la manière de la transcrire. Sur Jupiter, je sais par exemple ces dernières années, puisqu'on parlait de Jupiter, ce qui m'intéressait, c'est justement au moment de l'opposition de Jupiter, essayer d'observer un passage de satellite devant Jupiter et voir le satellite devant son ombre. J'ai réussi à le faire quelques fois, mais là c'est un défi par rapport aux conditions d'observation, puisque la technologie du dessin, je dirais. Oui, si vous pouvez l'observer, finalement, vous le dessinez, c'est pas plus difficile. Oui, c'est ça. Mais il faut aussi que bon, la turbulence soit favorable, puis bon, que l'instrument soit en température, etc. Enfin, bon, mais les défis, c'est plus souvent quand c'est un dessin de détails, parce que souvent les défis, c'est de voir des détails fins ou voir des objets faibles. Le défi est plus par rapport aux conditions d'observation ou l'instrument que vraiment la technique même du dessin. Quoi. À ce moment, si on dirait au niveau de la technique du dessin, le défi, c'est plutôt dessiner quelque chose je pense plutôt au dessin de la Lune, par exemple. Où là, bon, il serait trop ambitieux de vouloir dessiner un quartier de Lune en entier. Mais le défi, c'est d'essayer de dessiner une région de la Lune importante. Là, il y a vraiment du défi derrière ça. Quoi. D'accord. Merci beaucoup d'avoir donné tous vos petits secrets sur la technique d'imagerie manuelle, on va l'appeler comme ça, qui est le dessin. Merci et à bientôt.